pardon, pardonne-nous, ô Père. Garde-nous des tentations que dresse l'adversaire, et délivre-nous de sa main, à toi seul la victoire, le règne.